sacca fè mal a fè mal. Sacca prie, prie pour nous tous. Sacca fè bien a fè bien. C'est pas tous les jours joint ça. Ça a prié, prié pour nous tous. Ça a fait bien, a fait bien. C'est pas tous les jours que ça. chaque prière, bien pour nous tous. Chaque affaire bien, affaire bien. C'est pas tous les jours, bonne soirée.